Volkodlak, les loups du Kremlin, fiction géopolitique par Arnaud et Francis Fontaine. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Winston Churchill à Chamberlain lors des accords de Munich en 1936. Chapitre 1er. Kremlin, palais des Thérèmes, siège de la présidence. Voilà qu'arrivé à grands pas pour Boris Nikolaïevitch Lomakhine, premier président de la Russie indépendante, la fin de son mandat. Son état de santé ne lui permettrait pas d'affronter une réélection le menant à la tête du pays pour 4 ans encore. L'aînée Daria et la cadette Tania, ses deux filles, se montraient navrées de cette situation. Le premier ministre Oleg Ivanovitch Mostovoï, icône de la Russie post-soviétique, partageait leurs préoccupations. Le principal souci des sœurs Lomakhina était de savoir qui allait succéder à leur père. Pour Daria, la plus âgée, seule l'armée qui avait été fidèle à son paternel lors de la tentative avortée de putsch 10 ans plus tôt pourrait continuer à la protéger efficacement, elle et sa sœur. Pour Tania, le pouvoir réel dans le pays était dans les mains de l'ancien KGB, service du renseignement de l'ex-Union soviétique, et c'était de ce côté-là qu'il fallait creuser. Deux points leur semblaient acquis, ni elle, ni un membre de leur famille ne pouvaient prendre le flambeau. Daria pensait que le candidat idéal était le général Georges Boulganine, chef d'état-major du Kremlin, son ami d'enfance. Elle commença par imposer son ancien condisciple du lycée de Moscou à son père. Elle était convaincue que ce général léger et hédoniste serait son instrument docile et un relais à sa solde avec le haut commandement de l'armée rouge. Elle l'appelait tendrement « mon général Gotcha » lorsqu'on lui demandait « Et votre ami Boulganine, il va bien ?» Elle se cachait de désir qu'il était parfait, à la fois servile et charmant, exactement ce qu'il lui fallait pour ce qu'elle voulait en faire. À la faveur d'un énième changement de premier ministre, le clan Lomakhine le fit nommer au ministère de la Défense. Le costume faisant l'homme, il récolta rapidement une dimension et une popularité insoupçonnées. Il prit en effet des décisions appréciées. Il nationalisa toutes les industries de l'armement et lança un programme de modernisation pour chaque arme, avion, porte-hélicoptère, batterie de défense antimissile. Ce programme visait à doter l'armée rouge d'équipements à la pointe de la modernité. Il se rendit régulièrement dans les zones tribales du Caucase pour s'assurer d'une trêve avec les factions islamistes ou indépendantistes. Dès lors, ce général au teint hâlé, aux yeux bleus acier, à la barbe blonde, impeccablement dessinée, paraissait taillé sur mesure pour endosser les habits de sauveur de la Russie. Il avait un physique de rêve. La popularité de Boulganine s'accrut encore lorsque le GRU, le service secret de l'armée, dont les centrales de renseignement occidentaux disaient que ses agents étaient plus discrets et moins politisés mais aussi plus brutaux que leurs cousins du FSB, le service fédéral de la sécurité de la Fédération de Russie, principal successeur du KGB, prouvèrent que l'incident survenu à la frontière polonaise était un guet-apens de l'OTAN et que le général était le seul à s'être comporté énergiquement. Sur les bancs de la Douma, l'Assemblée nationale russe, chacun se gaussait du général Boulganine, la créature de Daria Lomakhina. Tout le monde avait fini par croire que l'aînée des filles du président était devenue la maîtresse de Gotcha afin de tenter de sauver la rente de situation de sa famille. Sensible au ragot et en même temps conscient des dégâts que provoque une rumeur qui s'installe, le président Boris Lomakhine désira couper court à la médisance. Le vieux roublard convoqua à midi ses filles sans leurs époux ni leurs enfants dans sa datcha familiale de Gorki. « Daria, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ton Gotcha est devenu le favori des instituts de sondage. Il ne se sent plus pissé. Mais papa, est-ce que tu te rends compte qu'il est complètement téléguidé par le GRU et ses barbouzes, dont Georges? La clique de galonnés du haut commandement est convaincue que tu as rendu un fier service en faisant entrer ce loup dans notre bergerie. » « Père, calme-toi, » supplia Tania, la benjamine, le voyant au bord de l'apoplexie. « Non. « Comment veux-tu que je me calme, petite sotte ? Je ne me suis pas opposé au péril de ma vie à un putsch fomenté par tous ces rétrogrades de l'armée rouge il y a 10 ans pour que ma propre fille leur offre sur un plateau les clés du Kremlin. Tu m'entends, Daria ? Tu m'entends ?» La seule question qui vaille, intervint Tania, flegmatique comme à son habitude, « c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ne peut pas le liquider, » lança son père. « Le GRU le protège. » Tania insista en regardant son père. Tes relations avec Mostovoï, ton premier ministre, elles sont comment ? Oleg Mostovoï, répondit-il, n'aime pas Georges Boulganine, mais il n'est pas mécontent que je me le prenne dans la figure comme un boomerang. je le lui imposai lors de la composition de son gouvernement. Il s'empressa cependant d'ajouter « C'est un libéral. L'armée, le FSB, l'ancien KGB, ne sont pas sa tasse de thé. Ils s'en méfient comme de la peste. » Tania écoutait avec attention son père qui poursuivit « Mais si on trouve une solution, il nous aidera à la mettre en place. Si cela ne lui coûte rien, mais lui rapporte quelque chose, il se ralliera à nous. » Oleg Mostovoï est de ces types qui considèrent que l'argent n'a ni odeur ni couleur politique. Si une décision lui semble aller dans le bon sens, il ne regarde pas quel parti politique elle profite, au risque de favoriser ses propres adversaires parfois. C'est pour cela que je l'ai nommé Premier ministre. Je dois reconnaître qu'il est le plus honnête de tous les chefs de gouvernement que j'ai usés en 10 ans. La cadette laissa un silence pesant envahir la pièce. Un ange passa, ne troublant pas les discrets sanglots de Daria, son aînée, qui n'arrivait toujours pas à retrouver une once de sérénité. Elle sentit qu'elle pouvait enfin dégainer ses cartes maîtresses. « Notre problème, dit Tania, c'est que le GRU avance masqué derrière Gotcha. Il nous faut donc combattre le mal par le mal. Les seuls à pouvoir tenir les militaires en respect, ce sont les guébistes, les ex-membres du KGB et du GRU. Si je ne m'abuse, le directeur du FSB, tu l'as nommé à la demande de Mostovoï, non? Vladimir Vladimirovitch Popov, oui. Il a été son bras droit quand il a été maire de Zelenograd. Depuis, ils ont parti liés. Si Mostovoï joue le jeu, il nous soutiendra. » Tania continua. « Que désirerait ton Mostovoï ?» Sans hésiter, Lomakin répondit à sa fille. « Je peux lui garantir la présidence du Sénat, ou s'il veut arrêter la politique de présidence de la Banque centrale. » « C'est son truc, les casse-têtes monétaires. »« Voilà, papa, » s'écria Tania, « propose à Popov de remplacer Mostovoï à la Maison-Blanche, comme Premier ministre, à condition qu'il nous débarrasse de Bulganin. Ça te semble jouable ?» Lomakin s'arrêta, réfléchit un instant et dit « Oui, Popov est légitimiste, et c'est un pur produit du KGB. Il ne laissera jamais un gus du GRU prendre la main sur l'appareil d'État. » Lomakin savait de quoi il parlait. Il se rappelait parfaitement avoir fait appel à Mostovoï en désespoir de cause. 3 premiers ministres avaient implosé en moins de 6 mois. Dans l'accord qu'il avait passé avec son nouveau chef du gouvernement, 2 hommes étaient inclus. Popov comme patron du FSB, l'ancien KGB, Bulganin en charge de la défense.